Yeah. Pour tous les gens là. Wow, wow, wow, wow. Yeah, les vieux, les jeunes, les enfants, c'est. Wow, wow, wow, wow. C'est direction Molodoy wow, wow, ce soir. Parce que c'est la fête. Hey. Hey. C'est la fête du Molodoy. Entre dans la danse. Je te jure, ce soir, c'est plus fort qu'une transe. Oui, man, tout le monde revient et bouge en cadence. On oublie Babylone et toutes ses manigances. C'est la fête du Molodoy. Entre dans la danse. Je te jure, ce soir, c'est bien mieux qu'une transe. Tout le monde revient et bouge. Oui, bouge en cadence. Je te jure, ce soir, ouais, oui, on avance. Molodoy. Hey. Molodoy. Hey. Molodoy. Well then. Molodoy. Well then. Original revolution still. Molodoy revolution still. Hey. Well then again, again, again. Hey. Mais qu'est-ce qui se passe? Hey. Mais où ça se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais où ça se passe? Ça se passe au Molodoy. Ça se passe au Molodoy. Ça se passe où? Au Molodoy. Ouais, ça se passe au Molodoy. Mais tout le temps, ça se passe bien au Molodoy. Ouais, tout le temps, ça se passe bien au Molodoy. Ouais, tout le temps, ça se passe bien au Molodoy. Ouais, ça se passe bien au Molodoy. Dédicace à tous les soldats, tous les combattants, tous les militants anti-faf. Toi-même, tu sais, Original Revolution. Yaman, viens parler pour tous les gars du Molodoy. C'est une big dédicace à la ragamuffin du dieu. Maintenant que tu lances, je ne peux plus m'arrêter. Original, toujours man dans un style improvisé. C'est une pure vibes, un pur style que je viens donner. Pour tous les massifs du Molodoy qui sont bien arrivés. Alors si t'es arrivé, je veux voir man ton briquet. Alors si t'es arrivé man, je veux voir ton point levé. En souvenir de tous les guerriers man qui sont tombés. Il ne faut jamais, non jamais, jamais oublier. Pour qui, pourquoi, pourquoi on a fait ça tant d'années. Oh oui, pour qui, pourquoi on a tous lutté. Oh oui, pour qui, pourquoi ils sont tous tombés. Original Revolution pour toutes les cités. Original Revolution pour tous les quartiers. Dans un pur style, no man, improvisé. Dans un pur style, Molodoy, toujours paré. Dans un pur style, Molodoy, toujours milité. Ouais, toujours revendiqué. Tel est notre but. Ouais, telle est notre façon de voir les choses et on lutte. Tout le temps dans la même cause, no man. Big dédicace, Molodoy massive, they are fair.